Huitième chapitre, le saut du Niagara. Nous arrivâmes bientôt au bord de la cataracte qui s'annonçait par d'affreux mugissements. Elle est formée par la rivière de Niagara qui sort du lac Erie et se jette dans le lac Ontario. Sa hauteur perpendiculaire est de 144 pieds depuis le lac Erie jusqu'au saut. Le fleuve accourt par une pente de plus en plus rapide et, au moment de la chute, c'est moins un fleuve qu'une mer dont les torrents se pressent à la bouche béante d'un gouffre. La cataracte se divise en deux branches et se courbe en fer à cheval. Entre les deux chutes s'avance une île creusée en dessous qui pend avec tous ses arbres sur le chaos des ondes. La masse du fleuve qui se précipite au midi s'arrondit en un vaste cylindre, puis se déroule en nappe de neige et brille au soleil de toutes les couleurs. Celle qui tombe au levant descend dans une ombre effrayante. On dirait une colonne d'eau du déluge. Mille arcs-en-ciel se courbent et se croisent sur l'abîme. Frappant le roc ébranlé, l'eau rejaillit en tourbillon d'écume qui s'élèvent au-dessus des forêts comme les fumées d'un vaste embrasement. Atala. Le fleuve, d'abord au cours majestueux, commence à précipiter sa marche à deux lieues de sa chute et arrive ainsi à ce que les naturels du pays nomment les rapides. L'île des chèvres, Goat Island, qui a la forme d'un vaste fer à cheval, les sépare. Les chutes se trouvent ainsi divisées en deux parties, celle du côté américain à 700 pieds de largeur et celle du côté canadien 900. Elles ont 160 pieds de hauteur. Au milieu de ce vaste fer à cheval, tout disparaît dans un tourbillon de vapeur d'où s'élève un mugissement terrible, comme les éclats du tonnerre. Souvenir de l'Atlantique. Vous dont l'âme est ensevelie sous cette invincible torpeur, puisée au champ de la folie, par l'insurmontable langueur, fruit du luxe et de la mollesse, que ne pouvez un instant, quelque charme vous transportant, voir cette chute enchanteresse. Ce haut type de la grandeur des œuvres d'un Dieu créateur. La voix qui du fond de l'abîme grave s'élève vers le ciel réveillerait la voix sublime que Dieu mit au cœur du mortel. Oui, d'une félicité pure vos cœurs seraient soudain remplis quand sur cette œuvre à l'aventure erreraient vos regards surpris. Brûlant d'une céleste flamme vers les suprêmes régions, bientôt s'élèverait votre âme renaissante aux illusions. Ils sont beaux tes ombreux rivages, fleuves au berceau mystérieux qui, semblable au fleuve des âges, cache ta noble source au sein des monts neigeux. Ils sont beaux quand aux cieux l'astre géant scintille, sème de mille feux chaque flot murmurant qui paisible s'écoule et tout à coup sautille, jaillit de roc en roc et s'éloigne en courant. Mais plus beau qu'en montant derrière les collines, l'astre tremblant des nuits épand ses doux rayons, jette sur les forêts ses lueurs argentines et provoque du cœur les méditations. Le regard attaché sur cette onde fougueuse, émue, le voyageur l'interroge des yeux. D'un peuple neuf encore, son âme aventureuse se plaît à dérouler le passé nuageux. Mais un canot léger sur l'arène écumante apparaît au milieu des brumeuses vapeurs, brave les flots sous la rame bruyante d'un chasseur vigoureux aux brûlantes ardeurs. Impassible au péril sur ce courant perfide, l'intrépide Indien ose se hasarder. Debout sur son canot, roi de l'empire humide, semble aux flots mugissants tel qu'un dieu commandé. Et chaque écho redit la légende effrayante du jeune et fier nocher, dont chaque nuit la pirogue imprudente vient du Goat Island visiter le rocher. Ô vous, amants zélés du temple de mémoire, vous dont l'esprit rêveur adore l'entretien, d'où s'exhale un parfum et d'amour et de gloire, écoutez la touchante histoire du beau chasseur canadien. non loin de la chute admirable que forme le Niagara, audacieux, infatigable, chassait le sauvage Zara. Ardent, jeune, au printemps de l'âge, ne respirant que le carnage, les timides hôtes des bois subissaient ces cruelles lois. Tour à tour un nouveau trophée au feu du conseil le plaçait, mais pour notre moderne Alphée ce jour néfaste paraissait. Déjà l'aube fraîche et vermeille avait fait place au dieu du jour qui semblait d'un regard d'amour couvrir l'Atlantique merveille et nul gibier ne s'offre encore. Sa flèche est demeurée oisive, aucun oiseau prenant l'essor ne défia sa main active. Triste, renonçant à ses traits, franchissant bois et marécages, le beau sauvage arrive auprès de sa barque à sec au rivage. C'en est fait. D'un bras vigoureux, il lance sa frêle pirogue, tenant ce jour pour malheureux. Suivant le cours du fleuve, il vogue au bord que naguère il quittait, le cœur palpitant d'espérance. Demain, dit-il avec regret, sera plus fortuné, je pense. Et bientôt, habile patron d'écorce, artistement tissu, par la liane maintenue, une voile aide à l'aviron. Ainsi l'Indien intrépide, dirigeant son esquif léger, approche du courant rapide dont il connaît tout le danger. L'onde est devenue écumante, il peut entendre le fracas de la cataracte imposante, souveraine de ses climats. Déjà son regard de lynx plane sur ce vaporeux tourbillon, qui, tel qu'un géant diaphane, se dessine sur l'horizon. Il touche au terme du voyage, il voit les feux de son foyer, et pour aborder au rivage, il dérive et va côtoyer, quand, au bonheur, s'offre à sa vue un faucon, objet de ses vœux, qui se balance radieux et semble défier la nue. Ah, pour moi, dit-il, quel beau jour! Fortune, je te remercie. Ce soir, heureux don de l'amour, ornant le front de ma caissie, je verrai du brillant oiseau la plume éclatante et dorée, ceindre en guirlande diaprée de ses cheveux le noir réseau. Il dit: bientôt, adieu, prudence! Aveuglé par ce fol désir, au rapide plus il ne pense, il espère, il croit réussir. Et dans son ardeur insensée, de son impatiente main la voile est soudain abaissée. Préoccupée de son dessein, sa rame oisive se délaisse. Sans crainte, il vogue au gré de l'eau, attendant que le noble oiseau vienne défier son adresse. Cependant, sillonnant les airs, le faucon d'une aile rapide décrit mille cercles d'hiver au-dessus de la plaine humide, tandis que Zara, le chasseur, le plus habile de sa horde, prépare le trait agresseur. L'arc s'élève, et sur sa corde la flèche prélude au départ. Que le faucon touche au rivage, il est percé de part en part. « Victoire à moi !» dit le sauvage. « Ô sort favorable, ô bonheur !» Déjà dans sa course il dérive, il prend son essor vers la rive, et sans retard le très vainqueur part, va frapper le volatile. D'une aile pesante et débile, contre la mort il lutte en vain. Il tombe, mais, fatal destin, tournoyant sur l'onde écumant dans le torrent, il a roulé. D'une poitrine palpitante, un cri perçant s'est exhalé. Adieu pour Zara l'espérance de dépouiller le riche oiseau. Éperdu, point il ne balance, il bravera le cours de l'eau. Pour seul conseil, prenant sa rage, il rame, oubliant le danger, suivant le faucon qui surnage, qui, tel qu'un phare mensonger, vers un trépas certain le guide. Déjà l'inexorable mort lui montre la chute rapide et son inévitable sort. Il reconnaît son imprudence, il voit l'horreur de son destin. Le puissant moteur qui le lance résiste à tout effort humain. Toutes rames sont inutiles, jamais, il ne l'ignore pas, nul mortel ne porte à ses pas, sur ces vertes et fraîches îles, couvertes de groupes de fleurs, défiant les doigts ravisseurs. Nul sur cette onde menaçante hardie n'osa tenter le sort. Zara sait qu'il court à la mort. D'une main d'horreur palpitante, il cherche à saisir les rameaux des innombrables arbrisseaux qui bordent l'effrayant rivage. Mais, aux morts, aux douleurs, aux rages, le feuillage reste en ses mains. C'en est fait, sa perte est certaine, ainsi le veulent les destins. Par une impulsion soudaine, voyant fuir cet espoir dernier, « Mourons, se dit-il en guerrier. » Et l'Indien à sa ceinture saisit sa gourde d'eau de feu. Calme, sans changer de figure, la vidant, il répète « Adieu ». Puis, sur sa puissante poitrine, il a croisé ses bras nerveux, et de sang-froid, il examine le cours des flots impétueux. Son œil sonde le gouffre immense qui bientôt devra l'engloutir. Déjà sa pirogue s'élance, l'imprudent l'a senti bondir. Tel, ainsi que l'éclair rapide, roulant de rocher en rocher, on voit le jeune ébonoché. Mais encore fier, intrépide, élevant ses bras vers les cieux, il semble faire des adieux, quand du saut dépassant la cime, il a disparu dans l'abîme. Juin 1835.